J'en vois tellement qui font du lourd. Hashtag peste comme un cafard. Les petits sont plus teubés que nous, mais ce à cause de nous, je suis né en tant que bâtard. J'aime les meufs alors, tu préfères ton jaillet sur Pifa Slatan. Bisous à mon ex, moi pour le retrouver, je dis bonjour Shazam. J'suis un génie dans cette connerie, j'suis pas dopé, enfoiré, juste un peu drogué. J'suis sur le coup comme un vampire, chacun son plan comme un crevard, moi j'fais pas croquer. J'ai la côte, mais disons qu'elle me sert à rien comme un de ces putains de points de côté. Un jack pour les alcoolorés, dis qu'il est vaincu, pourtant t'es parti pour bon côté. Oups, oups, j'ai les tailles de la grosse taille. Coupe, tu connais la story, mon gars, on a grandi sans papa. Vous, vous êtes folle de moi, mais comme vous, j'ai fait caca. Ouf, j'm'en sors pas mal, mon gars, même sans dîner de la coca. Trouve-nous dans le ghetto complètement défoncé. Si chez nous ton papa t'a dépensé. Nos flammes pour vous apprendre à danser. Le soir on ira bien pioncer. Ma MZ musique va les faire danser. Nos flingues vont les faire danser. Chicha de la rock et codéine, on est défoncé. C'est Bifton ou le placard. Trop d'été en couple, songez comme des 4 quarts. La bite fait pas le moine, plutôt fait Bellec. Tu sais pas tout ce qu'on peut te cacher sous un 3 quarts. Tu cours après les meufs, on court après le Zeyo. Les stars nous courent après, que de gros bâtards. Ici y'a pas de Neo. Mala, j'avais raison, ces bâtards ne sont pas prêts. Wesh, les puristes veulent des messages. Moi je vends de la drogue et puis je casse mes puces. Le game en cul, je viens à lui casser les couilles. Comme ce charcle dans le bus, suce pas la bite, paye pour le feat. Fuck tous ces pelots qui veulent taper la trousse. Aucune fierté. Les rappeurs se bouffent la chatte. Cunilingus, je suis avec le sage pro ou pas au sage pas. On prépare les dingueries en direct du labo. Vrai négro, au, au. Fuck tous ces couillons qui s'éclaircissent la peau. Au. Ta meuf joue la bitch, une avrée, je vais la défoncer. Ce soir elle va bien pioncer. Trouve-nous dans le ghetto complètement défoncé. Chez chez nous ton papa vient dépenser. Nos flammes pourront vous apprendre à danser. Le soir on ira bien pioncer. Ma MZ musique va les faire danser. Nos flingues vont les faire danser. Chicha de la rue, gecko des fines, on est défoncé. Ce soir on va bien pioncer. Comme Will Smith, j'suis un bad boy. Comme Shuriken, j'suis un bad boy. Et sur Belize avec mes bad boys. J'finis la nuit avec une bad bitch. Mes négros sont vrais. Comme mon Gucci, ma Dianju est vrai. Comme mon Louis Vuitton, c'est ça son flow. Comme ton Fendi. Comme ton Fendi. J'aime le bédo, j'rappe défoncé. J'aime les Dianju qui me font bander. J'aime mon tapé qui les fait danser. Vert de lime pour me faire pioncer. Négro, t'as ma choisi. Comme ces tasses qui veulent me déplumer. Vendeur de cocaïne, MD Ecstasy, j'suis dans ta soirée. Roulant Mercedes-Benz à 250 coupé sport. Que son papa lui a offert avec un appart avenue Foch. Le siège chauffant réchauffe sa schneck. J'me roule des bêtes, j'suis copilote. Grâce à la boîte automatique, elle roule la main droite dans mon stock. Et on a fait le tour de la ville, baiser le reste de la nuit. Elle a ce cœur, quand elle a joui, elle a trempé son intérieur cuir. Je l'ai pris sous le capot où elle mouillait tellement qu'elle a arrosé les jambes. Cheval restrict, pim, j'ai le faudra, je dis quand je me trouve entre ses jambes. J'ai de la ligne sur moi, j'ai de la drogue sur moi, je suis trop. J'ai du pif sur moi, t'es capote sur moi, je suis trop. On roule sur l'autoroute et on ne parle pas d'amour. Le soleil se lève, commence à griller les feux rouges. Direction le bloc, elle me dépose à chez Hood. Trouve-nous dans le ghetto complètement défoncé. Défoncé. C'est chez nous que ton papa vient dépenser. Nos flingues pourront vous apprendre à danser. Le soir on ira bien pioncer. Ma MZ musique va les faire danser. Nos flingues vont les faire danser. Chicha de la rock et codéine, on est défoncé. Ce soir on va bien pioncer.